Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast sur Occitanie Comics. Donc c'est un nouveau débat comics. J'ai perdu le fil, c'est pas croyable, ça fait bizarre qu'on ne fait plus d'émission pendant quelques semaines. Avec moi, c'est une émission particulière parce qu'il n'y a pas d'intervenant. Enfin, il n'y a pas de mes collègues. Par contre, il y a un intervenant Deluxe qui est avec nous, c'est Sullivan Rouault. Salut, Deluxe, je sais pas, mais très content d'être là. Ah bah, il faut un peu vendre, sinon ça marche pas, tout le monde va quitter le podcast au bout de 2 minutes, c'est pas intéressant. Restez par là. Donc, Sullivan, qui est le patron de iComics et de Mangetsu, le nouveau éditeur de manga qui va arriver d'ici la fin du mois de mai. Excuse-moi de te couper, patron, j'aimerais bien, malheureusement non, moi je suis salarié de Bradlon et je ne suis pas patron, par contre je suis directeur de collection si on veut, un truc un peu pompeux et de luxe, mais j'en suis pas le patron quoi. Je suis salarié donc les profits, j'ai pas d'intéressement sur les ventes, etc. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Donc, t'as quand même une belle situation chez Bragelon en étant directeur de produits. Je suis pas au moment de ma vie où je suis le plus à plaindre, c'est sûr. Après avoir fait 6 ans de restauration rapide, il vaut mieux être éditeur chez Bragelon, je pense. Je pense bien. Du coup, la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui te connaissent pas? Bien sûr. Bah justement, j'ai fait 6 ans de restauration rapide, alors je vais vous en parler. Non, je rigole. Je suis directeur de collection chez iComics et bientôt chez Mangetsu, puisqu'on lance dans 3 semaines le 26 mai. Et puis avant ça, j'étais journaliste web en ayant créé un réseau qui s'appelle Arts, qui a des sites comme comicsblog.fr, 9e-art.fr, safefantasy.fr, enfin qu'avait, que tout ça a un peu éclaté à divers endroits. Et j'ai fait ça, j'ai créé Comicsblog en 2010, si je dis pas de bêtises. Et puis avec mon cousin d'abord, puis après avec une bande de copains. Et on s'est professionnalisé en 2013. Et moi, j'ai quitté la présidence et la gestion de Arts en début 2017. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis éditeur. Et voilà, après, j'ai des petites casquettes à côté, mais c'est pas le sujet. Et d'où vient ta passion pour le 9e art, que ce soit donc du coup les comics, mais également le manga? De Batman et Dragon Ball et Spider-Man et Saint Seiya, je pense, ces 4-là, quoi. J'ai grandi avec les dessins animés, je suis né en 88, donc j'ai pris les années 90 vraiment droit dans les dents, que ce soit le Sailor Moon ou le Batman le dimanche soir, Sailor Moon, le Club Dorothée, je voulais dire, et Batman le dimanche soir et tout ça, enfin voilà, Power Rangers, etc. Tortue Ninja aussi à fond quoi sur France 3. Et en fait, tous ces trucs-là avaient le bon goût d'avoir en commun que c'était des bandes dessinées au départ, que ce soit des mangas ou des comics. Et donc, très vite, grâce à ma mère, j'ai réussi à mettre la main sur un Saint Seiya, qui était l'arc Hades, qui n'a pas été adapté en animé avant des années ensuite. Et puis là, j'étais piqué, quoi. Donc, j'en ai toujours lu, toujours emprunté. Lu à la FNAC quand j'avais pas les moyens de m'en acheter et tout ça, et illégalement aussi à l'époque avec des scans et machin et tout, quand j'étais adolescent évidemment. Et voilà, j'ai le virus de la BD depuis toujours, surtout comics et manga. Le franco-belge, c'est presque venu plus tard, même si j'ai connu Tintin, Astérix évidemment très tôt, Gaston aussi avec les trucs de médiathèque et tout, mais ma culture franco-belge est maigre par rapport à ma culture manga et ma culture comics, et je l'ai refaite en fait quand on a créé 9emart.fr et que j'ai découvert tous les Mathieu Loffray, les Alex Alice. 619, c'est différent parce que c'était tellement proche du comics que j'avais capté ça depuis un moment. Mais voilà, je suis persuadé au fond de moi que la BD est le meilleur art qui soit, puisque c'est un art interactif dans la mesure où le lecteur contrôle la vitesse à laquelle il va lire. Et qu'en même temps, c'est une forme de narration géniale, puisqu'elle requiert que très peu de budget pour montrer des trucs qui peuvent être complètement infaisables encore au cinéma. Et que je trouve très romantique l'idée de gouttière, de bulle, de case et tout ça. Et que voilà, je me sens bien face à la bande dessinée dans 99% des cas. Et donc du coup, t'as quitté le travail pour le service rapide pour travailler avec Bragelon. Et comment ça s'est fait? Comment on peut passer pour de travailler dans un fast-food et après travailler chez Bragelonne, c'est quand même un grand step, quoi. Bah non, l'étape, ça a été hard au milieu. Hein. Moi, je suis parti de chez mes parents en 2007. J'ai eu mon bac en 2007, donc je suis parti de chez mes parents en 2007. Et puis de là, en fait, jusqu'à ce qu'on se professionnalise, j'ai fait beaucoup d'années pour juste payer mon loyer. En fait, aller à la fac, techniquement, mais j'y allais pas. Et puis au bout d'un moment, à force d'abandonner la fac, j'ai eu l'idée d'écrire des trucs sur Internet. Ça a plu à 2-3 personnes, puis à 20-30. Et puis voilà, mais c'est vraiment Art qui m'a permis de mettre le pied dans le monde de l'édition. Moi, quand je crée Art, je connais absolument personne. On a démarché personne et tout ça. On est juste des fans qui créent un WordPress où ils veulent parler de leur passion des comics et surtout aussi du développement des comics au cinéma, en série, en jeux vidéo, etc. quoi. Mais je serais jamais rentré chez Bragelonne ou dans le monde de l'édition sans l'épisode sur Art. C'est vraiment lui qui m'a tout donné. Et je le voyais pas à l'époque. Ça, je l'ai vu que quand j'ai décidé de partir, parce que j'ai fait un énorme burn-out au bout d'un moment, et de la pression, etc. Mais puis parce qu'on vivait pas très bien, en fait. Tu vois, on se payait pas très bien. Je payais les salariés en retard et tout. Et ça avait beau être mes meilleurs amis, c'était pas très vivable comme situation. Et bref. Et en fait, c'est parce que j'avais rencontré beaucoup d'éditeurs grâce à mes années chez Art que derrière on est venu me proposer du travail et que le projet de Bragelonne était très cool. Bragelonne, c'est une boîte qui me ressemble un peu, qui a un côté un peu chaotique mais très très passionné et pas mal dans le do it yourself et tout, et qui à la fois est une très très grande maison d'édition, et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais tout ça a été juste de l'improvisation et de l'adaptabilité, en fait, hein. Et puis survivre aux galères, quoi, parce que ça n'a vraiment pas été simple pendant des années. Je ne conseillerais à personne de monter sa boîte en journalisme culturel en France, surtout sur une niche. On a essayé, on a eu des problèmes, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc tu crées iComics. iComics fonctionne bien, je pense, non? Quels sont à peu près les résultats de ce premier trimestre pour iComics, si tu les as ou... Là, le premier trimestre de l'année 2021, ils sont très bons, puisque j'ai appris avant-hier, figure-toi, qu'on était au-dessus de notre budget, donc c'est une très bonne nouvelle, surtout qu'en plus, on a vraiment une seconde moitié d'année beaucoup plus forte que la première, avec les Lock and Key, l'âge d'or, avec l'intégrale Lock and Key, avec des choses que je ne peux pas encore annoncer, avec des grosses sorties tortues, etc. Mais puis Rick and Morty toujours, évidemment. D'ailleurs, c'est une petite exclu, on ressort Rick and Morty versus D&D dans un coffret de luxe que nos amis américains ont fait, avec une petite histoire inédite dedans sur Mister Mystix. Non, les résultats sont bons et puis ils ont été bons très vite, en fait, sur iComics. Notre première sortie, et c'est encore le livre le plus vendu d'iComics aujourd'hui, c'est Rick and Morty tome 1, et on en a vendu quelques dizaines de milliers d'exemplaires, quoi. Donc c'est complètement inespéré quand tu démarres dans l'édition, parce que clairement, au moment où je sors Rick and Morty tome 1, je comprends encore que 10% de mon métier, quoi. Mais donc du coup, énorme coup de bol, et iComics va bien. Après, c'est les bouquins en tant que tels, quoi, qui vont pas forcément bien. C'est-à-dire que beaucoup de bouquins indépendants perdent de l'argent. Les tortues n'en gagnaient pas jusqu'à là, il y a très très tôt. Donc on a fait 3 ans complètement à perte sur une licence. Donc forcément, ça fait un petit peu grincer les comptes. Mais non, iComics se porte bien. Et je suis content que mes patrons respectent mon idée de garder entre 20 et 25 bouquins maximum, et plutôt proche de 20 par an, pour avoir une curation, pour que les gens, tu vois, qui aiment les bouquins indés de iComics, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, y a peut-être des gens qui n'aiment pas, mais en tout cas, ceux qui aiment puissent passer au prochain en confiance, et c'est ce qui se passe. Tu vois, là, on vient de sortir Shanghai Red, et beaucoup de gens l'ont acheté parce que c'est un bouquin indé iComics, et beaucoup de gens nous font le retour de leur contentement vis-à-vis de ça, parce que c'est un super one-shot, etc. Et que dans le marché... Après, c'est une question aussi de contexte éditorial pur, c'est-à-dire que dans le marché américain... Enfin, moi, je ne peux pas publier les très grosses stars que sont Jeff Lemire ou Scott Snyder, puis j'en ai pas forcément hyper envie, ou Rick Remender, ou Jonathan Hickman, ou Ed Brubaker. Lui, j'en aurais envie, mais c'est différent. Et du coup, je dois trouver d'autres choses. Et donc, quand je trouve d'autres choses, je veux vraiment que ce soit vraiment de la qualité et qu'il y ait une logique de défrichage derrière, de faire connaître des auteurs, d'aller sur des thématiques qui sont un peu invues chez les autres et tout. Et ça, tu peux pas le faire si tu décides demain de faire 50 livres, en fait. Enfin, tu vois, après, tu vas vouloir mener tous les combats et tout. Et en même temps, on a des poches de respiration. Ça nous interdit pas, parce qu'on fait beaucoup de bouquins féministes ou politiquement, tu vois, assez engagés, ou en tout cas, au moins, qui ont des choses à dire, je dirais. Et ça n'empêche pas de faire un gros short Bear Fighter quand tu as envie de te marrer et tout. Et c'est quelque chose qui nous ressemble. Et voilà. Donc, je suis surtout très content, en fait, que que iComics ait trouvé son lectorat plutôt que les bilans financiers d'iComics, que je ne mens pas, je ne connais sincèrement pas, je ne sais pas du tout combien d'argent ça rapporte à l'année et tout. Je suis surtout content, moi, de voir que j'ai un lectorat qui est en plus super positif et qui est vraiment très cool et qui, quand ils ont des choses à dire, me les disent et je sais les entendre. Et ça, c'est une vraie victoire, en fait. Je ne voudrais jamais devenir un éditeur industriel qui tape, tu vois, 25 bouquins par mois. Qui sait même plus. Faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont même pas le temps de lire ce qui sort parce qu'ils sortent trop de choses. Et moi, ça, c'est ma hantise en fait. Jamais je veux faire ce métier si c'est pour le faire dans des conditions comme ça. Et parce que c'est pas non plus un métier. On disait tout à l'heure les bonnes conditions et tout, mais c'est pas non plus un métier où il y a que du positif. Hein. C'est hyper dur. Hein. T'es soumis à énormément de pression. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Beaucoup de process, de pyramidalité, etc. Alors souvent, c'est une très bonne chose, et ça, je l'apprends à mes dépens. C'est la première fois que je travaille dans une entreprise depuis 4 ans avec Bragelonne. Mais voilà, c'est l'édition. J'ai du mal à penser que je vais faire ça toute ma vie, par exemple. Il y a un moment où je vais vouloir aller faire un peu autre chose, parce que c'est aussi... Je vais pas pleurer sur ma paroisse, parce que je reviens de loin personnellement, et qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de faire le métier que je fais. Je suis très, très conscient des privilèges que j'ai. Mais voilà, c'est pas rose tous les jours l'édition, pour le dire comme ça. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais alors, tu parlais de l'immense succès qui est Rick and Morty, et c'est quelque chose que je me suis toujours posé la question, c'est comment ça se fait que c'est entre guillemets Rick et Morty qui permet de tenir la baraque à iComics, alors qu'à côté on a quand même les Tortues Ninja qui était ultra intéressant et que Soleil avait essayé de mettre en place mais que ça n'a pas marché, et que quand tu vois le prix des albums et la spéculation qu'il y a avec les Tortues Ninja, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas et j'ai du mal à visualiser. Tu as peut-être une réponse à nous apporter là-dessus? Non, c'est très marrant que tu poses cette question, parce qu'en fait je me dis, ça me renvoie moi je me la posais beaucoup en 2018 quand on a lancé la collection, cette question. Et en fait, au bout d'un moment, quand je dis que l'édition c'est pas rose, il y a aussi une part de ça, c'est-à-dire qu'il faut faire le deuil de beaucoup de romantisme en fait, tu vois. Et évidemment que romantiquement, je pense que Tortue Ninja mérite d'avoir les ventes de Rick and Morty, et Rick and Morty celle de Tortue Ninja. Encore que je trouve que les comics Rick and Morty font très bien leur taf de prolongement de la série télé, ils sont très marrants, plutôt très quali et tout, pas de souci. Mais Tortue Ninja, on est face à une série d'aventures. Pour moi qui marque les années 2010 concrètement, hein, et qui en plus dévoile des mecs à l'intérieur, réécrit totalement la mythologie des tortues et tout, enfin bref, on est face à quelque chose pour moi d'extrêmement solide, mais qui souffre de son image. Je pense que Rick and Morty est beaucoup plus prêt à consommer que Tortue Ninja quand on revient. En plus, le tome 1 c'est le moins bon, mais on est obligé de commencer par celui-là, enfin bref, tu vois, on a eu un petit peu à cause du contrat justement Soleil et Nickelodeon vis-à-vis de ça, et que du coup ça nous a foutu dans la merde. Enfin, après il y a des explications conjoncturelles comme le fait que la Fnac ne vend pas du tout les deux premiers tomes de Tortue et donc décide de ne plus les centraliser, et donc après on n'est plus dispo en Fnac, on n'est plus dans les nouveautés en Fnac, et ça clairement ça te défonce tes ventes, quoi. Mais et ça, quand tu rates le début d'une série, c'est la mort. Alors que Rick and Morty, à l'inverse, en Fnac on a, pardon de l'expression, un peu tout niqué, quoi. C'est-à-dire que Rick and Morty, t'as plein de gens qui venaient juste de se faire Rick and Morty sur Netflix à l'époque, saison 3, et qui se disent « Putain, ça existe aussi en comics, c'est le cadeau parfait à offrir à quelqu'un à l'époque où on faisait encore des crémaillères et genre de choses. » Et voilà, je pense qu'il y a eu un vrai phénomène là-dessus. La couverture était hyper eye-catchy, c'était moins de 15 balles, tu vois, c'était pas prise de tête. Tu sais, c'est un peu comme Overwatch. Genre, les gens, ils ont peur des comics. Ça, moi, c'est un état de fait. Je l'ai compris en me baladant dans des centaines de librairies. Les gens ont peur des comics parce que les comics font peur, parce qu'il y a toujours des spin-offs, des tomes 1000, des tomes 999, machin. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment une galère de suivre les comics. Et il faut vraiment un apprentissage et se faire mal pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Par rapport au manga, notamment, où tu prends le tome 1 et puis voilà, jusqu'au dernier tome et c'est réglé. Et en fait, Rick and Morty et Overwatch, qui sont deux licences qui ont bien performé quand elles sont arrivées en 2018, ont bien performé parce que c'est des licences récentes dont l'intégralité du lectorat avait connu la création sur leur premier média, donc le jeu vidéo et la série animée, et donc ils savent que ça va pas être compliqué. Tu prends Rick and Morty tome 1, tu sais qu'il n'y a pas de piège, il n'y a pas de truc à lire avant, il n'y a pas de truc machin, et tu vas pouvoir te laisser guider et je pense sincèrement que par rapport au plafond de verre qu'on a sur les comics, qui est un tout petit marché qui fait à peine 7% aujourd'hui des ventes de BD en France, en fait les titres, alors je veux pas donner trop d'idées à mes concurrents, mais les titres qui arrivent à sortir justement de ce truc-là, du bourbier du lore et des licences et des gros machins qu'on 30 ans et sur lesquels il faut tout connaître, et il y a des communautés déjà très en place, mais en fait elles ont plus de chances de performer, quoi. Et Tortue a aussi souffert de son image de un peu génération Casimir pour la génération 85-95, quoi, tu vois, genre le truc de trentenaire un peu ringard et tout. Alors que la série est tout l'inverse, au contraire. Ça prend peut-être l'image du truc ringard au départ, mais ça le tord et ça devient une des meilleures séries de comics super-héroïques, même, je dirais. Parce qu'en plus, c'est ça qui est dingue chez les Tortues, c'est qu'au sein d'une même série, tu as à la fois des dynamiques de solo, des dynamiques d'équipe, des galeries de vilains, de la SF, tu vois, presque de la fantasy parfois, des ninjas, des trahisons, des drames, des enjeux, des trucs qui se recoupent dans tous les sens et tout. Et voilà, Tom Valls fait un travail phénoménal sur Tortue. Après, je ne vais pas me plaindre parce que depuis le début de l'année et depuis la ressortie du tome 0, qui est sold out d'ailleurs, c'est pareil, on ne l'a toujours pas annoncé, mais la réimpression du tome 0 est de nouveau sold out, donc on va devoir le réimprimer, mais il va falloir le faire à un moment stratégique. Et on a relancé la réimpression des tomes 1, 2, 3, 4 qui eux aussi sont sold out, même si on avait pris des taux de retour à l'époque et qu'une partie a sûrement été détruite à mon grand dam. Mais en tout cas, on réimprime et il n'y aura plus le bug de la tranche, enfin du dos sur un Tortue tome 4 pour ceux que ça énerve. Où il y avait cette espèce de petite trame, la moche, j'en conviens, c'était une erreur de notre part et on s'excuse platement. Mais donc, enfin, ça va bien. Maintenant, je découvre un nouvel aspect de mon métier à travers les Tortues, c'est aussi qu'il faut savoir gérer un fond de catalogue et que quand tu as 15 tomes, justement, il y a forcément des trous à des moments dans ta série. Et réimprimer, c'est risqué sur une série qui galère autant à trouver son lectorat. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait les tomes 0, 1, 2, 3, 4 qui soient de nouveau dispo, mais que le 5 ne le soit plus pendant 6 mois. Parce que sinon, on va s'exposer à énormément de négativité et de gens qui se plaignent et à raison. Et en même temps, c'est un équilibre économique extrêmement fragile de réimprimer ce genre de choses. Donc, là, voilà, je découvre le truc pas drôle de comment tu fais vivre un fond et en même temps, la chance d'avoir un fond aussi. C'est-à-dire que, tu vois, au moment où je te parle, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de passer, bon, là, au guichet d'une librairie, il y a peu de chance, mais quoique, il y en a qui sont ouvertes et qui accueillent beaucoup de monde, mais il y a peut-être quelqu'un qui est en train de s'acheter un tome de Tortue en ce moment même, tu vois. Et ça, c'est grâce au fait qu'on ait du fond, parce que le mec, il a peut-être déjà les 7 premiers et aujourd'hui, il s'est dit, tiens, c'est mercredi, j'ai un peu de temps, je peux aller me chercher mon tome 8, tu vois. Et donc, c'est forcément un avantage pour une collecte, parce que dans tes ventes, bah, tu as aussi tout le fond qui va continuer à porter le reste, et donc ça va t'aider à tenir tes budgets, et aider à tenir les budgets, ça permet d'aller acheter des nouvelles séries indées qu'on va tenter de sortir sur le, ou des one-shot, ou peu importe, hein, mais de choses qu'on va vouloir sortir en 2022. Et j'aime bien ce petit... tu sais, il y a un côté... Tous les éléments systémiques, on dit que c'est un peu la grande roue, tu vois, the big wheel, pour paraphraser Massive Attack. Et ben, iComic, j'aime bien le fait que ce soit une small wheel, tu vois. Genre, c'est une petite roue qui tourne, pépère, on fait nos titres. C'est une roue artisanale qui est prête à durer 30 ans. Tu peux changer la rustine. C'est pas comme un smartphone. T'as pas besoin de l'acheter quand elle marche plus, tu vois. Et je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment sain. Enfin, c'est vraiment ce dont j'aurais rêvé. Mangetsu, c'est un autre, on en reparlera après, mais c'est un autre game que là aussi je dois apprendre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus diffusé, c'est des chiffres beaucoup plus grands et tout ça. Et pour l'instant, bah, on a tellement la tête dans la prod que j'ai pas le temps de m'en préoccuper. Mais je sais qu'à un moment donné, ça va me rattraper. Et qu'il va bien falloir s'occuper du fait que, bah oui, Mangetsu va sûrement grossir plus que iComics. iComics, on peut faire un serment de table ronde, de dire, OK, on reste à 20-25 bouquins. Mangetsu, je ne peux pas vraiment le faire. Si ça ne marche pas, on va devoir arrêter. Si ça marche très, très bien, on va devoir en faire beaucoup plus. Si ça marche bien, on va devoir rester comme tel, où on a déjà quand même pas mal de sorties, quoi. Donc... Bon, on va pas tarder à y arriver sur Mangetsu. Juste avant, pour terminer avec iComics, j'ai trois petites questions. Alors, je suis fan de certaines séries que iComics a sorties, que je n'arrive pas à trouver la suite. Enfin, c'est pas que je n'arrive pas à la trouver, c'est que je l'attends avec beaucoup d'impatience et je me demande quand est-ce que ça va arriver. Alors, peut-être que tu pourras me répondre en me disant, bon, c'est mort, tu peux rêver et attaquer la VO, ou soit me dire, bon, ben, ça c'est pour fin 2021. 2022, c'est quelque chose pour c'est suite d'Invisible Republic. Ouais, bah et... ça, Invisible Republic, pardon. J'attends toujours la suite de la part des auteurs qui doivent s'en occuper. Hein. Ils n'ont pas du tout jeté le morceau, mais c'est que malheureusement, ça n'a pas rencontré un franc succès en VO et que du coup, voilà, faut le finir par des moyens un peu détournés. Je pense qu'ils le finiront par du crowdfunding en VO avec Image, parce qu'Image est en train de se tourner vers cette solution là il y a un gros partenariat avec Kickstarter qui va être annoncé ou qui doit être annoncé juste là, et donc bah à ce moment là on pourra reprendre. Moi je les ai régulièrement par mail, hein, Gabriel et Corina, et voilà, j'attends la suite comme tout un chacun, surtout qu'il manque un tome pour la terminer, la série, donc voilà, là on est vraiment pendu aux auteurs. Ok, bon, ben déjà, ça me rassure parce que c'est vrai que je ne m'étais même pas renseigné sur le cas de la VO parce que je me suis dit, bon, ben, iComics assure là-dessus, donc je ne vais même pas regarder la VO, mais Bah, ils ont maintenant, je. une époque qu'ils arrêtaient et puis on en a rediscuté entre nous et en fait ils n'arrêtent pas, ils attendent juste le nouveau modèle Image pour les séries qui galèrent un peu quoi. Et c'est pas la seule série d'Image d'ailleurs qui galère aussi chez nous. Enfin bon après Invisible République chez nous c'est pas une plantade du tout. Hein. Mais c'est pas non, ça a pas gagné d'argent mais c'est pas une plantade du tout. L'autre j'ai peur de le voir venir. La légende de Drizzt. Ah non, c'est triste, ok. Je pensais que tu allais me parler de Brigands et Dragons, ou du coup j'en profite de la petite lucarne qui m'est offerte. Malheureusement, même s'il y a une annonce là récemment de Sébastien et de Galad, qui sont deux personnes que j'apprécie beaucoup demain, sur le fait qu'ils vont sortir la suite et la fin chez un autre éditeur qu'Image, qui est TKO, qui est la boîte dans laquelle Sébastien travaille, donc c'est plus pratique. Malheureusement, on fera sûrement jamais la suite. Parce qu'on en a vendu 300, quoi, et que c'est vraiment une catastrophe en fait sur le premier tome. Donc même peut-être à peine 300, quoi. Donc c'est de loin le titre qui s'est le plus planté chez iComics, donc évidemment pas de suite. Et Drizzt, tome 2, on attend en fait des fichiers de la part d'Hasbro depuis un moment, mais c'est prévu dans le futur proche. Pas en 2021, mais sûrement en 2022, avec une autre petite réédition d'ailleurs que j'espère les gens ne verront pas trop venir. Mais je peux pas trop en dire plus. Ok, non, mais déjà, ça me rassure en tant que fan. Je me dis, bon, je vais pouvoir continuer la collection et arriver Ouais, sur. c'était il y a eu juste une petite galère avec la licence D&D qui est partagée en fait entre Panini et nous et voilà mais du coup chez Hasbro les équipes ont tourné donc on avait un problème de personnes à qui parler et qui pouvaient trancher donc voilà il n'y a même pas eu à trancher au final. Driss a toujours été chez Milady et Bragelonne et parce qu'on a tous les romans de Salvatore aussi et donc ça arrive l'année prochaine une fois qu'on a les fichiers quoi. Parfait. Alors là, tu fais un homme heureux, je tiens à te le dire. Ah oui, je suis pas le seul à me le demander en plus, donc je suis content de le sortir en plus. Moi, je vais pour être tout à fait sincère, c'est le seul bouquin que j'ai pas choisi de publier chez iComics, ever, en fait. C'est le seul qu'on m'a imposé, quoi. Et en fait, j'adore la couverture, je trouve la DA très belle. Donc du coup, ça m'éclate. Parce que moi, je suis pas fan de fantasy, en fait. Donc chez Bragelonne, je suis un peu un ovni, mais j'ai beaucoup de mal avec la fantasy classique ou la dark fantasy classique. Et donc Drizzt, ça m'a plu à la relecture, quoi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'engager dans cet univers. Donc c'est peut-être aussi un peu de ma faute, je suis peut-être pas assez pressé pour le ressortir, mais en tout cas, ça arrive, c'est promis. Bon, ça c'est une bonne chose. Alors, tu parlais que chez iComics, tu cherchais à produire pas mal de titres avec des gens de talent, avec des titres engagés et compagnie. J'ai une question parce que je suis fan d'une artiste, on peut presque même dire que c'est peut-être une copine un peu lointaine. Ouais. C'est Layla Lays. Qui va sortir deux titres. Le premier chez Volt Comics avec comme scénariste Cullen Bunn, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième, c'est forcément, je crois, le comics qu'on a le plus entendu parler sur ces dernières semaines avec le comics scénarisé par l'acteur qui fait par Keanu Reeves. Ah oui, d'accord. C'est le comics qui est scénarisé par Emilia Clarke. Est-ce que ça pourrait être des titres qui pourraient intéresser à iComics? Le Cullen Bunn, je ne l'ai pas lu, hein, donc je ne sais pas. Celui par Emilia Clarke, je t'avoue que tu m'apprends l'existence de la chose en fait. Donc, il faut que je regarde. C'est pas encore sorti, hein. Je te prends avec Ouais. beaucoup d'avance parce que ça a été annoncé pour une sortie d'ici 2 ou 3 mois, je crois, pour le premier single. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Layla Lay. C'est une petite Frenchie et c'est vrai Ah, qu'elle est. c'est vrai, je savais pas. Ah ouais, elle est française. Elle avait sorti des comics, donc Neverland, qui était chez 400. J'ai plus le nom en tête, mais qui était Oui, une réécriture non. de Peter Pan. Elle avait sorti également un comics chez Aftershock, qui s'appelle Horde, qui était scénarisé par Margaret Bennett. Et c'est vrai que merde, elle est pas en France, quoi. Pour une artiste française, ça fout mal, Alors, quoi. j'avoue. Non, non, j'avoue. Ben écoute, en tout cas, je vais regarder pour le Cullen Bunn et Layla Lays, je t'avoue que j'ai pas lu. Et l'autre, je connaissais pas, mais je découvre là, du coup, Mother of Madness. Donc, je vais regarder un peu un peu de quoi ça s'agit, comme on dit, quoi. Et puis, tu sais, moi, je suis vraiment pas... Enfin, Berserker, par exemple, ce sera pas chez nous, tu vois. J'ai pas voulu faire d'offre dessus. On en a discuté un peu avec l'agent, mais j'ai pas voulu offrir dessus. Je me méfie un peu de ce genre de truc. Et puis, tu sais, comme j'ai très peu de shots, en fait, un titre qui va être trop marketing, ça va avoir plus tendance à me repousser qu'autre chose. Et malheureusement, quand tu mets Keanu Reeves ou Emilia Clarke dans l'équation, c'est forcément un truc super marketing. Et peut-être que le bouquin est un chef-d'œuvre derrière, donc c'est pour ça que je vais quand même le lire et que je m'interdis rien. Mais du coup, c'est le genre de truc où je vais avoir tendance un petit peu à y aller à reculons. Il faut vraiment que ce soit extraordinaire pour que je me lance, quoi. Parce que je veux pas que derrière, on se dise « Ah oui, c'est le comic book d'Emilia Clarke et tout. » Non, je préfère que l'histoire parle pour elle et que les auteurs parlent pour leur travail. Et de pas avoir ce genre de move. Et d'ailleurs, tu vois, sur Berserker, les conditions étaient vraiment draconiennes pour publier la série vis-à-vis de est-ce qu'on peut avoir Keanu Reeves en interview, est-ce qu'on peut faire des trucs machin, enfin tu vois. Et j'avais jamais trop vu ça et j'aime pas trop cette hollywoodisation. J'ai rien contre les gens d'Hollywood qui veulent venir faire des incartades dans le comics, hein, au contraire, hein, tout le monde est le bienvenu. Mais tu vois, bon là c'est aussi parce que l'article que je vois c'est Emilia Clarke's comics, tu vois. Bah non. Ouais, mais ça c'est pas que ça, parce qu'en fait elle est co-scénariste à Marguerite Bennett qui est là pour co-scénariser le comics, donc il n'y a pas que Emilia Clarke qui est derrière, quoi. Ouais, non mais c'est sûr, hein, c'est sûr, mais je vais regarder, je vais jeter un œil à ça, je vais envoyer le petit mail qui va bien. D'accord. Et est-ce que tu as des dernières annonces à nous faire pour iComics ou tu nous en as dit assez? Non, malheureusement, vous arrivez à un moment où j'ai des quasi-annonces à faire et où c'est encore un tout petit poil trop tôt de quelques jours, quoi. Donc, je vais rien pouvoir trop annoncer, si ce n'est que Lock and Key, l'âge d'or, donc celui que j'ai appelé le tome 7 pendant longtemps, mais qui est en fait un tome à part du reste de Lock and Key, quoi. La série reste vraiment en 6 tomes, sortira bel et bien en novembre cette année, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous en interne. Et il y a encore une autre petite annonce pour la fin de l'année qui arrive très vite, j'espère. Bon, ben, tant mieux, hâte de découvrir ça. Alors, maintenant, on va attaquer Mangetsu, parce que c'est quand même pour ça que je t'ai fait venir. Pourquoi créer Mangetsu après iComics Pourquoi? C'est ma grande question. Je me suis dit pourquoi. Alors, je sais que tu l'as expliqué en vidéo, mais pour ceux qui ne t'ont pas entendu en vidéo, c'est le moment de t'expliquer. Non, bien sûr, bien sûr. Non, bah, en fait, j'ai toujours pris les choses un peu à l'envers avec mon rapport entre le comics et les mangas, parce que j'ai commencé vraiment par les mangas, mais j'ai ensuite commencé professionnellement par les comics en tant que journaliste pour ensuite créer 9e art afin de parler de mangas. Et même chose dans l'édition où je commence par les comics avant de pouvoir publier du manga. Et ce n'est pas plus mal parce que iComics m'a vraiment permis là, pendant ces 3-4 ans d'apprendre mon métier, et le manga permet vraiment de mettre en application tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai retenu, et tu vois la tonne de petits détails qui rentrent dans les très très grandes équations qui vont derrière la production d'un bouquin. Parce que je rêvais de faire du manga tout simplement, et quand je suis parti de Bragelonne une première fois fin 2018, parce que j'étais freelance pour eux pendant un an, je suis parti avec un projet de manga sous le coude que j'ai un peu peaufiné pendant mon année de freelance, et il a été question de le lancer dans une autre maison d'édition, et finalement ça l'a pas fait parce qu'on préférait pas ni l'autre éditeur ni moi travailler ensemble tout de suite sur un projet comme ça. Et puis Bragelonne faisait rentrer un nouvel actionnaire qui demandait aussi un nouveau projet, ils avaient envie de se lancer dans le manga, on avait une très belle expérience ensemble sur iComics, et donc on a décidé de se remarier et de développer le projet chez eux. Je ne t'apprends rien en te disant que le manga est un secteur en plein essor et qui du coup bénéficie d'un phénomène que j'identifie de manière très vulgaire, mais que j'identifie quand même, qui est qu'il y a plein de nouveaux lecteurs chaque année, parce que beaucoup de jeunes enfants commencent à lire des mangas, et il y a toujours plus de lecteurs de tous âges, jusqu'aux plus vieux, puisque personne n'arrête de lire des mangas dans nos générations. Tu vois, c'est un genre infini, c'est un genre qui délivre tellement de qualités, tellement de titres légendaires, il y a tellement de choses à redécouvrir encore et à découvrir tout court. Et tu vois, pour moi, le meilleur argument, c'est on a quand même Junji Ito, et il a fallu l'apparition d'un nouvel éditeur pour prendre Junji Ito à bras-le-corps. C'est quand même dire s'il y a encore du travail à faire dans le manga en français, parce qu'on parle du plus grand auteur de manga d'horreur ou de BD d'horreur même de tous les temps, quoi. Et puis c'est un vrai kiff. Moi, j'adore le Japon. En tant que kiff perso, plaisir coupable, je peux me rendre au Japon assez régulièrement. Et bon, beaucoup moins depuis cette chose qui s'appelle le Covid-19, mais quand même avant ça, j'en ai bien profité. Et ouais, ça m'éclate, vraiment ça m'éclate. Tu vois, je ne sais pas encore trop quelle est la pertinence de ce qu'on fait, mais moi j'y mets toute mon âme et l'équipe qui travaille avec moi aussi. On est vraiment confiants dans les titres qu'on publie Je pense que la première année de Mangetsu est bien plus spectaculaire que la première année de iComics, et c'est très bien comme ça. Tu vois, il y a une forme de suite logique aussi. Et voilà, après, on n'est pas de la même manière que sur iComics, on n'est pas là pour prendre la place d'Urban ou Panini. Là, on n'est pas là pour prendre la place de Glénat ou Kiun ou Kaze ou Kurokawa. Tu vois, on est là pour publier des mangas de qualité et de les faire bien. Et puis de faire en sorte qu'ils nous ressemblent. Et ce sera déjà pas mal. Je vais pas aller taper la plus grosse nouveauté du Shonen Jump d'ici 6 mois, tu vois, c'est pas du tout le but. Même d'ici un an, je pense pas, tu vois, ou 2 ans, j'en sais rien. Au moins, vraiment, ça cartonne pour nous, mais bon, faut pas non plus en demander trop. Et non, c'est ça, vraiment, moi j'ai l'impression que c'est trop cool. Tu sais, là, on a annoncé 3 titres de Tetsuo Hara, par exemple, la semaine dernière en vidéo, et j'ai une réaction géniale, quoi, tu vois. Les gens étaient vraiment très très heureux de redécouvrir Tetsuo Hara, donc j'ai l'impression que je suis à peu près conforté dans. Moi, je suis éditeur, certes, mais et c'est très bien, on me pose des questions pour ça, mais en vrai, moi, je suis juste un fan et un lecteur. Hein. J'achète énormément de BD, je lis énormément de BD tout le temps, et je digue tout le temps sur le net des trucs liés à la BD et tout ça. Donc, en vrai, je me fais super plaisir, et en même temps, ça a l'air de faire plaisir à des gens. Je bosse avec des gens que j'aime au niveau de mon équipe, et voilà, on passe des journées à travailler sur des projets qui nous font kiffer, et même si les samedis et les dimanches, ils passent en partie, bah... C'est quand même super cool. Et tu vois, ça me renvoie au privilège dont je te parlais tout à l'heure, quoi. On fait un taf qui est dur, mais on fait un taf qui nous plaît. Et bon, bah, du coup, c'est chambé. Et là, on a eu les Awashi 1 et 2 qui sont arrivés. Et ils sont magnifiques. Et je suis fier. Je me permets. Je les ai reçus cette semaine. Ouais. Je les ai lus. C'était vraiment très, très, très bien. Je ne connaissais pas du tout. Ouais. Je ne suis pas un lecteur de scan, tu vois. Ouais, Tu fais trop plaisir. Donc, je les ai lus. Bon, les reviews vont sortir sur Instagram et je vais en parler sur un podcast qui va arriver avant le tien. Mais c'est vrai que c'était vraiment un vrai plaisir. Le tome 3 est complètement fou, quoi. Je veux bien te croire. Et puis, le vrai problème, tu vois, c'est qu'on parle d'un manga de sport, j'ai toujours peur de tomber sur du Captain Tsubasa ou du Hellshield. C'est du bon. Hein. Je me plains pas de Captain Tsubasa ou Hellshield, mais c'est toujours exagéré. On demande des super techniques, il y a des noms extraordinaires. Alors que là, on sent que Ao Ashi, c'est vraiment du foot. On nous parle de formation de foot et c'est vraiment quelque chose qui est agréable de tomber sur quelque chose qui est fidèle au sport que j'aime bien. Et je suis d'accord, il y a presque un côté post-moderne dans le fait de revenir au foot réaliste et au rêve d'un enfant de la campagne de devenir professionnel et de quitter sa mère et tout ça. Et un mec qui doit réapprendre les bases du foot, etc. Enfin, je ne vais pas aller trop spoiler, mais c'est génial en fait. Puis en plus, l'auteur est excellent, aussi bien dans le dessin que dans le scénario que dans la mise en scène. C'est vraiment un sacré génie en fait. Le tome 3 normalement va arracher quelques larmes à travers la France, j'espère. J'espère aussi. Donc non, c'est vrai que Ao Ashi, pareil, le bouquin, parce que quand on a un nouvel éditeur qui arrive, bon, on a eu Noev qui est arrivé un peu avant Mangetsu. C'est vrai qu'eux, ils sont arrivés avec leur couverture un peu différente, avec leur carte collector, avec leur ticket. C'est vrai qu'on retombe sur Mangetsu, j'étais curieux, et puis je vois que c'est du classique, mais du classique de bonne qualité, c'est agréable. Ouais. C'est exactement ça notre ambition en fait. Moi j'adore ce que fait Noévé et tout, mais bon déjà ils le font sur des titres qui permettent de faire ça, et nous on peut pas forcément faire ça sur beaucoup de nos titres. Après attention, hein, on a du marketing de ouf, je crois que pour l'achat du tome 3, il y a un bracelet avec le numéro 33 d'Ashto qui est offert et tout, tu vois, il y a des trucs assez balèzes, mais sur les deux premiers on voulait arriver de manière assez classique pour pas non plus vendre trop de rêves et tu vois, faire les trucs un peu pompeux et tout. Noévé c'est pas du tout pompeux, c'est juste qu'ils viennent du monde de l'art et ils ont des bouquins qui sont proches de l'artbook, je pense à truc de Kotori, c'est Veil, c'est ça. Oui, Veil. Le pic d'avoir le blister, la carte collector, et c'est génial. Et d'ailleurs, je pense que Noévé et nous sommes très complémentaires en fait. Je pense vraiment qu'on est l'autre face de la pièce Noévé avec Mangetsu. On s'est croisés, on a à peu près le même genre d'ambition en publication de titres et tout ça. Enfin, pas éditorial, hein, mais en nombre de titres et de pas vouloir non plus devenir plus gros que la bête et tout. Et je trouve que les deux labels vont très bien ensemble et que c'est deux super additions au marché francophone du manga qui est déjà génial. Moi, je pense que les lecteurs, ils vivent un âge d'or aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui sont dispo. Là, il y a L'École emportée qui va sortir en grand format enfin. Il y a des rééditions Dingo tout le temps. Il y a Eden, Banana Fish. Là, tu vois, chez Panini, il y a mort de trucs géniaux dans le manga ces dernières années. Et c'est normal que le marché soit si fort parce qu'en fait, il y a tellement de qualité qui sort que c'est trop bien. Et moi, je suis trop content de venir ajouter notre pierre à l'édifice là-dessus. Et tu vois, Aowashi et Chiroran, je suis persuadé que ce sont deux excellentes séries hyper agréables à suivre. Chacune très différente, mais deux excellentes séries. Et à côté, je ne doute pas vraiment du fait que Tetsuo Hara et Junji Ito soient des excellents mangaka, tu vois. Donc on arrive en plus, nous, avec une confiance. Enfin, quand on va sortir Tomie, là, on a fini le boulot sur le bouquin il y a 2 jours, je sais qu'on envoie un classique. Et c'est la première fois de ma carrière d'éditeur que j'envoie un classique sur le marché. Tu vois, un truc où je sais que le truc est déjà connu, qu'on le publie ou qu'on ne le publie pas, Tomie est un classique, peu importe notre rapport là-dessus. Donc ça te fout de la pression aussi de comment le sublimer, comment le rendre encore mieux et tout ça. Mais du coup, c'est génial parce que j'ai l'impression vraiment de le faire un peu pour la culture aussi, tu vois, pour le manga, quoi. Pour les amoureux de manga à travers la France qui disent « Putain, on a une bête édition de Tomie, c'est trop bien, quoi. » Et ça, c'est un vrai... En tant qu'ex-libraire aussi, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai été libraire pendant 2 ans et demi. En tant qu'ex-libraire aussi, c'est génial, tu vois. Je me revois, moi, dans ma librairie, recevoir un bouquin bien travaillé et me dire « Yes, putain, il travaille bien, c'est chambé, quoi. » Tu vois. Ce qui est le cas de plein de maisons. Et c'est vrai que... on en a discuté avec mon libraire un peu, c'était le mois dernier au moment où j'ai fait mes achats comics et manga, et ouais. Il me disait qu'il était au courant de l'arrivée de Mangetsu il y a un petit moment quand même. Et mm-hmm. Comment ça se fait que les maisons d'édition, pas forcément toi, je suppose que c'est tout le monde qui fait ça de la même manière, préviennent d'abord les libraires avant le grand public? C'est pour essayer de jauger? Non, du tout, non, au contraire, parce qu'on préférait pouvoir garder le secret. C'est simplement que, en fait, on présente aux libraires très tôt les sorties qui vont venir un peu plus tard, et souvent en début d'année sur celles de l'année, tu sais, à venir, pour que les libraires soient prêts. Souvent, c'est traditionnellement des points qu'on fait en Angoulême et tout. Et il se trouve que nous, on pouvait pas s'annoncer plus tard que début janvier, je crois, aux libraires. Donc en fait, les libraires, on a entendu parler la première semaine de janvier, il me semble. Puisque nous, on a bossé avec notre diffuseur et tout, qui devait aller donner l'info. Et c'est pour ça qu'on s'est annoncé fin janvier, d'ailleurs. C'est parce que les libraires étaient au courant, donc comme le secret n'était que partiellement gardé. Bon, après, je suis content, parce que tout le monde a joué le jeu et tout, il n'y a pas eu de leak ni rien. Mais moi, j'aime bien aussi cette dynamique de prévenir les libraires qu'on arrive, qu'on est en train de préparer des trucs et tout, ça met tout le monde en confiance en fait. Et moi, je suis un partisan de la collaboration exacerbée avec les libraires, parce que les librairies, sans les libraires, on vend beaucoup moins de livres et que surtout le conseil libraire, c'est un truc qui doit rester, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu vas en librairie pour acheter tes abonnements, mais aussi pour recevoir ses conseils et tu vois l'expérience sociale du truc, quoi. Donc surtout dans le contexte actuel, je voulais que Mangetsu soit aussi un espèce de rendez-vous en librairie, quoi. Même si bon, c'est un peu terni par le fait qu'on ait tous des masques et tout ça, mais c'est quand même une des ambitions. Enfin, je fais ce métier aussi pour ces raisons-là. Moi, je suis quelqu'un de la librairie, du festival, tu vois, des moments de socialisation dans la BD. J'adore ça. Il y a plein de gens géniaux. Autant en profiter. C'est très familial en plus, la bande dessinée, quoi. C'est ça qui est agréable. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de qui couche avec qui et de coups de couteau dans le dos et tout. Et c'est pas part. Enfin, il y a peu d'industries où c'est le cas, donc. Donc celle-là me paraît assez saine. Et alors tu disais que tu penses que Mangetsu va être complémentaire avec Noévé. Et en quoi Mangetsu est quand même un peu différent des autres maisons d'édition? Déjà par notre nombre de titres, parce qu'on n'arrose pas avec 5 nouveautés. Bon, évidemment, parce qu'on commence aussi. Hein, mais... par rapport à des grosses maisons, je pense que la différence, elle est surtout là. Donc, il y a peu de choses sur lesquelles se concentrer pour comprendre Mangetsu. Après, on assume très fort le grand format, quand même, tu vois, sur nos titres qui ne sont pas Ohashi. Ou... Enfin, après, ça dépend, parce qu'on a des seinen comme Butterfly Beast qui vont rester en 130x180 sur un format classique et tout. Mais on a quand même le Mandala de Feu, Panda Detective Agency, tout au bout du quartier, donc 3 one-shots. Enfin, Panda, c'est un tome 1, mais malheureusement, l'auteur étant malade, le tome 2 va se faire un petit peu attendre. Et le tome 1 peut se faire lui-même par ailleurs. Enfin bref, les gens verront en le lisant, mais c'est un bouquin très particulier et hautement qualitatif. Enfin, Detective Agency, c'est vraiment un petit bijou, quoi. De tranches de vie, du coup. Et sur Junji Ito, on a l'aspect bibliographique avec bouquin cartonné, avec jaquette et tout ça, et qui est un truc qu'on ne voit pas beaucoup en France. Après, c'est pas une ambition non plus de se démarquer, en fait. Plutôt l'ambition de faire du bon travail comme le font des gens comme le Lézard Noir, comme le font des gens comme Kiun, comme Kurokawa, comme tout ça, à différentes échelles, du truc le plus mass market au truc le plus indépendant. C'est surtout ça qui m'importe, en fait. On n'a jamais voulu réinventer la roue. Alors il paraît qu'en communication on est un petit peu plus jeune et dynamique et tout ça parce qu'on fait des vidéos YouTube. C'est en tout cas moi comme ça que les gens me disent qu'on se démarque et tout. En vrai, on n'a rien inventé non plus. Hein, tu vois, faire des vidéos YouTube en 2021, c'est pas non plus révolutionner ou disrupter le marketing. Mais c'est aussi parce que tu as Kata qui fait la même chose, il me semble. Ouais, en plus, c'est ça, Bruno. Akata fait pas mal de Twitch et tout ça, chose que nous, on ne fait pas encore. Et non, là, c'est plus des échos, hein, je te dis, de ce qu'on m'a dit, quoi, du fait que notre communication est un peu plus directe. Voilà. Mais ce n'est même pas voulu. Tout ça, c'est du système D. C'est aussi par manque de budget, parfois, et tout ça. Et des vidéos, c'est très facile et très peu coûteux à faire. Et ça permet de passer beaucoup d'informations et au plus de gens possible. Donc, je ne sais pas. Je joker sur comment on se démarque. J'espère juste que nos bouquins sont de qualité et que les gens apprécient à quel point la pliure de la jaquette est propre des Aohashi et qui est pourtant notre bouquin à 6,90€, donc le plus mass market et tout ça. Et ça va ne faire aller qu'en s'améliorant, puisqu'on va avoir une belle dorure sur tous les Chiroan, on va avoir des super pantones avec des papiers offset pour Keiji et Soten. Tomier, c'est un orgasme d'éditeur en termes d'effet de fabrication avec des deux, enfin, du marquage à chaud argenté, du vernis sélectif, une couverture complètement ouf avec des pantones de malade en dessous et tout ça. Et, surtout, et ça, et le pricing, si quand même j'y tiens, parce que chez iComics, nos bouquins sont globalement pas très chers. En tout cas, je crois. En tout cas, on essaie de les maintenir le moins cher possible. Par exemple, on fait Lock and Key intégral à 80€ au lieu de 120, ou des artbooks à 30 balles, ou enfin voilà, ce genre de choses. Et Tomier à 24,90 pour 752 pages. Voilà, je ne veux pas faire, je veux pas être impoli et nous comparer avec ce qui est directement comparable, mais bon, on est quand même moins cher que la concurrence, c'est une certitude, et pour des effets de fabrication qui, semble-t-il, sont plus chers à produire. Donc, il y a vraiment aussi ce côté, tu sais, rendre la BD la plus populaire possible, même quand elle coûte 25 balles, mais elle coûte 25 balles parce qu'elle fait 752 pages. Quoi. Elle ne coûte pas 25 balles parce qu'on a décidé que ça coûtait hyper cher. Par rapport à un bouquin broché de 200 pages écrit en 15, vendu à 19,90, il y a une grosse différence de coût imputé là-dedans. Et puis bon, tout le monde est payé, donc tu vois, toutes les pages de bonus et machin et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un bouquin comme Tomier, quoi. Donc, mais ça, c'est la chance de bosser dans un groupe comme Brajlon, qui est une organisation et un process industriel. Et donc qui permet de mettre des moyens au service d'un bouquin, tu vois, nos bouquins ils sont relus par plein de gens, fait en sorte qu'il n'y ait pas de coquilles, on prend vraiment le temps de réécrire et de retraduire et tu vois de se faire des calls pour se parler d'un terme ou d'un autre très précis et tout ça, et ça j'y tiens petit, mais voilà, du coup c'est pas un joker. J'espère qu'on se démarque aussi par la qualité de notre travail, car tout à l'heure j'ai cité plusieurs rééditions, l'une d'entre elles, traduction impeccable, truc de ouf, vraiment je peux dire de qui il s'agit, parce que c'est quelqu'un avec qui je ne travaille pas, mais dont j'ai envie de saluer le travail. Traduction d'Arnaud Takahashi, absolument incroyable. Voilà, un texte d'une qualité énorme. Et l'autre réédition à côté, qui est dans le même format, traduction lettrage catastrophique. Et ça m'est tombé des mains, tu vois. Genre vraiment, j'étais en train de le lire, et je fais, ouais, mais je ne peux pas lire un truc aussi mal traduit, ou en tout cas avec un niveau de français aussi, aussi bancal. Et avec un lettrage où les onomatopées sont à peine sous-titrées, enfin, de manière vraiment très feignante et tout. Et c'est marrant parce que c'est au sein d'une seule et même maison, tu vois. Mais bon, après, il y a des explications au pourquoi du comment. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne vais pas donner de nom ni call à autre personne. Mais en tout cas, sachez que chez iComics, chez Mangetsu, pardon, mais chez iComics aussi, on se donne vraiment les moyens d'envoyer des bouquins qui n'ont pas de coquilles à l'intérieur et qui en ont le moins possible, en tout cas. Et voilà. Sur Aohashi, par exemple. Je sais que, enfin, mais même pas Kawashi, hein, tous les bouquins. Tu vois, beaucoup de réécritures que je fais moi, que je propose à la traductrice, qui passe aussi par la préparatrice de copie, le relecteur, ma propre boss, tout ça. Donc, tu vois, on est dans une popote à 5 des fois pour un seul mot. Et pareil sur les cadres de couve et ce genre de choses. Et c'est cool, il y a un côté un peu romantique là-dedans, mais c'est juste bien faire son métier, en fait. Prendre le temps de bien faire son métier, c'est plutôt ça. Parce que c'est vraiment une question de temps dans l'édition, en fait. C'est pas avoir trop de bouquins, donc pouvoir prendre le temps de bien faire son métier. Et parce qu'on a quand même trop de bouquins, si tu additionnes iComics et Mangetsu, du coup, Brajlon me permet de recruter un responsable d'édition qui va venir m'épauler, qui va être mon bras droit, qui va m'aider là-dessus. Et c'est génial, tu vois, pour bosser dans ces conditions-là. Parce que c'est moi qui ai demandé, j'ai dit, voilà, moi, je commence à arriver au bout de ma logique, là, de la fatigue et tout. Et j'ai vraiment besoin d'aide de quelqu'un et tout ça, et je pense que ce serait beaucoup mieux et tout. Et donc, ça a été entendu, et donc, on recrute quelqu'un et tout. Et voilà, bosser dans ces conditions-là. On peut dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas toutes les maisons d'édition qui permettent ce genre de choses. Alors après, certes, parce que c'est du manga et qu'on a certaines garanties, mais on en a très peu au final, parce que le vrai crash test, il est le 26 mai et après. Et sans les ventes, on ne sera rien. Mais en tout cas, Brajlon donne les moyens de publier des bouquins de qualité. Et moi, j'hallucine des filles de la FAB qui sont des sorcières du livre, dans le bon sens du terme. Elles font des trucs vraiment incroyables dans la qualité d'impression et tout. On a des noirs magnifiques. Voilà, c'est un peu du porno d'éditeur et tout, mais... ah si, un autre truc sur lequel on peut se démarquer, on imprime beaucoup en France aussi, sur manga. Et ça, c'est... Bah voilà, beaucoup de nos concurrents ou nous-mêmes chez iComics, on va souvent imprimer en Slovaquie, en République tchèque, ce genre de choses. Et sur Mangetsu, on fait le pari d'imprimer en France et d'avoir un peu une collecte éthique, même si malheureusement l'édition ne l'est pas du tout assez et n'est pas du tout assez écolo, mais réglons déjà le combat légitime des auteurs et on parlera d'écologie ensuite. Quoi. C'est sûr. Alors, quel sera à peu près le rythme de parution? Parce que Aowashi est une longue série, je crois que ça fait 29 tomes au Japon. 23. Là, les deux premiers sortent fin mai. Ouais. Le prochain sort, le tome 3 sort en juillet, début juillet. Qu'on va avoir une parution tous les deux mois, Exactement, tous les deux mois et en quinconce avec Chiruran qui démarre en juin, aussi avec ses deux premiers tomes et qui aura aussi une parution tous les deux mois. En fait, chaque mois, vous aurez un tome soit d'Aowashi, soit de Chiruran. Parce que moi, il y a un truc que je déteste en tant que lecteur, c'est d'attendre trop longtemps une suite, surtout sur un shonen, enfin une série, tu vois, qui est vraiment très feuilletonnante. Et donc, du coup, pour pallier à ça, parce qu'on ne peut pas non plus sortir un tome par mois, parce qu'après, les bourses, malheureusement, ne sont pas les mêmes partout. Et enfin, voilà, il faut penser aussi à une typologie un peu normalisée de l'acte d'achat, quoi. Mais plus rapide que tous les deux mois, ça ne collait pas. Mais c'est un tome tous les deux mois, ce qui nous permet de vite rattraper le retard sur le Japon. Et normalement, on arrivera à finir Aowashi à peu près au moment où la série s'arrêtera au Japon, quoi, si tout va bien. Et on sait à peu près quand est-ce que ça se finit au Japon ? Il a annoncé une date ? L'auteur n'annonce pas de date, mais commence à en parler dans une interview qui sort tout bientôt là chez BFM. Ouais, bon, du coup, c'est pour bientôt, quoi. On arrive sur l'arc final, quoi. Il y a un truc à peu près comme ça. Alors, est-ce que tu as à peu près déterminé une ligne éditoriale pour Mangetsu? Est-ce que tu sais si vous allez diffuser plus de tranches de vie? Est-ce que ça sera plus de seinen? Est-ce que vous allez penser, soyons fous, mettre du yuri, du yaoi? A priori, pas de yaoi, de BL, etc. Parce que moi, je connais pas du tout. Je suis pas du tout fermé au shoujo stricto sensu. C'est juste que je connais mal, donc il faut que je me fasse un peu violence et que j'en lise plus. Mais ce que j'ai commencé à faire depuis 6 mois. Après la ligne éditoriale dans le manga c'est compliqué parce que t'as pas des réponses à tes offres très vite généralement, genre là tu vois on vient de signer un titre, j'ai attendu une réponse pendant un an et trois mois très précisément, donc pour te donner une idée, donc du coup tu construis un peu sur des fantasmes et donc non je peux pas du tout régler ma ligne éditoriale comme je peux la régler tu vois, je peux vraiment régler la mire chez iComics, chez Mangetsu c'est différent, je suis un peu plus à la catapulte quoi. Mais en même temps, elle va finir par se dégager assez naturellement. Moi, je suis un lecteur hyper éclectique, donc c'est l'avantage, de malgré le fait que je sois le seul éditeur à bord, vu que mes goûts en tant que lecteur sont très, très divers et variés, la collection sera très divers et variée, quoi. Du coup, tu vois, plein de trucs comme Eden, j'aurais rêvé de faire, My Broken Mariko, j'aurais rêvé de faire. Quand je dis j'aurais rêvé, c'est genre, il y avait des offres qui étaient faites, ou des Die Dark, ou des... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sortent aujourd'hui ou machin sur lesquelles j'étais positionné. Donc c'est un peu compliqué. Il y a les séries sur lesquelles tous les éditeurs sont. Il y a les petites pépites que tu trouves dans ton coin. Il y a un peu tout ça. Je veux juste quelque chose de varié. Je veux juste quelque chose d'assez universel en fait. Enfin beaucoup plus. Après, j'ai quand même une obsession d'avoir des héroïnes fortes aussi chez Mangetsu parce que je trouve que le manga est souvent un peu trop paternalisant. Mais ce qu'on va commencer à faire là tout bientôt et ce qu'on a aussi via Atomier, Sensor et plein d'autres livres hein, où j'ai failli spoiler un truc, mais il y en aura peut-être un peu plus à l'avenir là en 2022, tu vois. En tout cas, je sens, c'est assez malgré moi en plus, mais je sens qu'il y a un truc qui s'est dessiné dans les offres qui ont été acceptées et des bouquins qu'on va sortir l'année prochaine. Beaucoup d'héroïnes, donc sûrement ça encore, beaucoup d'héroïnes fortes quoi. Parce que moi je suis un papa qui bosse pour les petites filles du monde entier, tu vois, genre vraiment, je rêve que les petites filles s'émancipent par la lecture de BD, de modèles inspirants, quels qu'ils soient d'ailleurs, tu vois, parce qu'ils sont tous très différents, mais c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Après, faire de l'écologie ou du socialisme de vulgaire gaucho, tu vois, sur le manga, c'est quasiment impossible. Et Dieu merci, les Japonais en plus sont un peu au-dessus de ça. Les Japonais sont beaucoup plus dans la philosophie que dans la leçon politique, tu vois. C'est un truc très occidental, ça. Et tant mieux, en fait. Moi, je préfère cette approche-là des choses parce que je suis quelqu'un qui... Je me range pas dans une cage. J'ai des valeurs socialistes, mais je me reconnais ni à gauche, ni à droite, ni nulle part, quoi. Et les Japonais sont vraiment plus dans... là-dedans, tu sais, par exemple, tu vois, les Otomo, Mamoru Oshii, Satoshi Kon, tous les géants des années 90, c'est jamais que les enfants de Baudrillard, par exemple. Et du coup, c'est cool d'ailleurs de voir que ou Hiroki Endo sur Eden d'ailleurs, hein, où tu vois, on est dans Baudrillard à 10 000%. Et c'est cool de revenir à un auteur français par le prisme d'auteur pop culturel japonais. Et ça me plaît. Mais même j'adore le côté développement personnel du shonen Neketsu, tu vois. C'est pour ça que j'adore Ashito, c'est pour ça que j'adore Toshizo Ijikata, qui était un personnage réel, lui, à l'inverse d'Ashito, mais dans Chiruran et tout. Je trouve ça super précieux, les leçons de vie qu'on a dans le shonen, en fait. Moi, ça me fait du bien. C'est comme écouter du hardcore. C'est, je parle du genre proche du métal, là, très saturé. le truc, vraiment, c'est « Every day is a lesson », tu vois. Et c'est très beau, c'est très premier degré, c'est parfois quasiment objectiviste ou libertarien de bas étage, mais c'est sain quand même, en fait, tu vois. Genre que moi, le perso d'Ashito, il me donne envie de me lever le matin, quoi. Et j'y repense souvent. Donc, tant mieux que ça marche sur moi, en fait. Je suis peut-être ce genre de personne sensible à ça, et je vais être trop naïf pour mes amis, mes amis gauchistes, justement, avec qui on s'écharpe là-dessus très régulièrement, parce que tous mes potes sont des gros gauchistes, évidemment, vu que je suis quand même un gros socialo. Mais voilà, c'est rigolo. Mais tu sais, pour les mecs de droite, je suis un mec d'extrême gauche, et pour les mecs de gauche, je suis un mec de droite, donc je suis coincé dans cette case infiniment. Oui, t'es macroniste, quoi. Non, je plaisante. Moi, je suis totalement... Je suis ce qu'on appelle un anarchiste de droite. Moi, je suis un enfant d'Akimbe, je suis un enfant de Baudrillard, justement, tu vois, de ces mecs-là, quoi. La politique, c'est jamais qu'un cirque et qui m'ennuie profondément. Mais bref, on n'était pas trop là pour parler de ça. Tout ça pour dire que ça, chez Mangetsu, c'est assez dur de le mettre en valeur. Et en même temps, quand je te dis tout ça, il y a direct un auteur qui, avec ce genre de discours, me vient en tête, c'était Tsuya Tsutsui, qui est très publié chez Kiun, du coup, qui a même fait une créa chez eux là récemment qui s'appelle Noise, qui a fait Reset, Dudzent. Des trucs sur la censure, qui fait plein de trucs. Je conseille la bibliographie de Tetsuya Tsutsui à tout le monde, parce que c'est un japonais qui fait de la politique, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et bon, il est peut-être beaucoup plus nihiliste que les mecs que j'ai cités, mais il y a tout ça chez lui, quoi. Tu vois, l'espèce justement de rejet du cirque médiatique et informationnel et donc de facto politique qui va avec. Là-dedans, et qui ne fait réfléchir qu'en binaire, en 0 et en 1, en gauche et droite, en tout ça, où la nuance devient un problème, et bref, voilà. Je pourrais en parler longtemps, donc je vais m'arrêter. Alors, juste ma dernière question à moi, puis après on va passer à la question des Instagrammeurs, mais c'est juste une réponse qui va être très rapide normalement. On va dire, par le plus grand des miracles, tu deviens milliardaire, et par le plus grand des miracles, tu as le droit de choisir une série que tu veux absolument mettre en avant sur les comics et sur Mangetsu, quelles seraient ces séries ? Malheureusement, ce n'est pas une question d'argent pour ces séries-là, tu vois. C'est une question de fidélité avec des éditeurs respectifs qu'ils ont, de tout ça. Après, tu vois, j'ai des rêves à réaliser dans le manga, très concrètement, avec des auteurs parmi lesquels je t'ai cité tout à l'heure, là, et où j'ai trouvé des parades éditoriales, tu vois, tout à l'époque, où j'ai trouvé des parades éditoriales pour accéder à eux et leur proposer des projets édito un peu fous, tu vois, que ce soit via Wenning, qui est ma maison d'auto-édition sur laquelle on fait Astra Mortem et plein d'autres choses liées au dark art et un peu à l'art ténébreux et aux artistes un peu maudits et tout ça, mais pas seulement, tu vois. Mais par exemple, je peux inviter quelqu'un comme Jean-Pierre Donnet à venir écrire une histoire dans une anthologie, autant que je peux aller proposer à un grand auteur de manga un format complètement fou pour sublimer un de ses chefs-d'œuvre. Et c'est cette liberté-là, en fait, que je veux, mais cette liberté-là, elle n'est vraiment pas dépendante de l'argent. Enfin, tu vois, typiquement, on va refaire le Necronomicon de Hans Rudi Giger, donc un bouquin légendaire, celui par lequel Ridley Scott l'a découvert et l'a invité à faire Alien. Et c'est pas une question d'argent, tu vois. J'ai rencontré la veuve de Hans Rudi, c'est devenu une amie, et on est allé chez elle, enfin, du coup, dans la maison de Giger, et c'est le projet, en fait, qui lui fait plaisir. Donc, de republication dans des bonnes conditions, et voilà, avec... une partie qui est caritative et tout ça, et faire les choses pour les bonnes raisons, en fait, tu vois, mettre un peu de positif là-dedans. Donc malheureusement, c'est pas une question d'argent, mais si je pouvais éditer un seul truc, si je pouvais éditer un seul truc en achat de droit, ce serait Vagabond, parce que pour moi, c'est le seinen le plus important de tous les temps avec Berserk, et que c'est vraiment un truc, enfin moi j'adore, tu vois, toute l'époque Takuan, Miyamoto Musashi, Traité des Cinq Roues et tout ça. Je trouve qu'il y a une spiritualité énorme qui se dégage du Japon féodal et qui remonte un petit peu en plus à la culture shintoïste et tout ça. Enfin, en termes de spiritualité, je me sens bien dans ces cases-là, même si je suis absolument athée. Enfin, je suis pas tellement athée, je suis très agnostique. Mais voilà, bref. Et en créa, je rêverais d'un Junji Ito sur un scénario de Stephen King. Mais ça, peut-être que c'est faisable. Donc voilà, faut juste pas perdre trop de temps, quoi. Parce qu'ils vont pas, ils seront peut-être plus là d'ici 50 ans, mais c'est vachement plus. Enfin, tu vois, c'est un rêve assez accessible. Après, j'ai eu des rêves ces dernières années, un dont je peux te parler, qui était de reprendre la licence Captain Tsubasa, mais c'est impossible pour des raisons de droit. Et en reprenant la licence Captain Tsubasa, il y avait un projet de création PSG cross Captain Tsubasa, où en fait Tsubasa venait à Paris pendant deux volumes, et à Paris joue Taro Misaki, donc qui est son meilleur ami dans l'univers de Tsubasa, et il jouait dans le vrai club du PSG avec Neymar, Mbappé, Di Maria, etc. Et c'est un projet qui voilà, bottait l'auteur. On avait même réfléchi à avoir un dessinateur de vraiment de renom sur le projet et tout, et tous les gens impliqués était OK, mais malheureusement, c'est juste pas faisable en termes de droit. Et en fait, parce que moi, je suis supporter du PSG, évidemment, je ne trahis pas de secret. Et en fait, ma réflexion, c'était aussi de me dire qu'est-ce que je peux offrir à Mbappé, à Neymar, qu'ils ne peuvent pas s'offrir, quoi. Tu vois, parce qu'eux, pour le coup, ils sont milliardaires. Enfin, presque. Et du coup, ça, être dans une BD de l'auteur de Captain Tsubasa, série dont ils sont tous les deux extrêmement fans, par ailleurs, c'est un truc que je pouvais leur offrir. Et comme je suis un éternel romantique du foot, tu vois, souvent je me dis que le prochain endroit où je vais travailler ensuite dans ma vie, ce sera le milieu du foot, sauf que un, c'est un milieu dégueulasse, donc bon, déjà ça me pose problème, et deux, je veux pas briser justement toute la couche de rêve que j'ai gardée avec le foot. Je suis très conscient du fait que je me garde aussi naïf que possible à propos du football, parce que c'est un milieu vraiment pourri et que je verrais des axes d'amélioration énormes si c'était moins dirigé par des enfoirés de capitalistes complètement aveuglés, même rendus fous par l'argent, quoi. Mais ouais, sinon je tends à pas avoir trop de rêves, plutôt des objectifs, tu vois. Évidemment, je rêve d'aller sur la Lune, mais bon, malheureusement, ou d'être le premier mec qui lit un manga sur la Lune, par exemple, tu vois, ça pourrait être cool. Ah, ça peut être sympa. Je crois que celui-là, j'y arriverai pas trop, donc... Non, j'ai pas trop de... Bon, après, il y a évidemment des auteurs, comme je te dis, que je rêve de publier. Hein. Là, récemment, on s'est pris une banane il y a une semaine. Il y a une série que je rêvais de faire, vraiment une série culte et tout. On avait bossé un énorme projet de collection, à la fois sur l'auteur de la série et sur le genre de la série qui viendrait derrière, qui tenait sur le fait d'avoir cette série, et on l'a pas eu. Elle est partie chez un concurrent. Bah, ça fait très mal. Le café, il a un peu moins bon goût le matin, quoi. Mais écoute, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et après, je sais que j'ai la possibilité d'aller dans un autre pays. Et si je veux, tu vois, en Allemagne, par exemple, ils ont publié très peu de choses. Donc, si je veux vraiment me dire, tiens, j'ai publié ça, voilà, je m'entoure d'un associé en Allemagne et on fait des giga classiques, tu vois. Mmh. Mais bon, faut savoir quel combat on a envie de mener dans la vie aussi. Faire d'édition industrielle, c'est génial. Et je suis très heureux de ma position chez Bragelonne, mais c'est pas les seuls trucs que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie d'écrire un peu de scénario, j'ai envie de collaborer avec des potes, j'ai envie de produire des gens, de faire tout autre chose que de la BD quand j'en aurai un peu marre et tout, enfin, tu vois. Donc, Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais j'ai une grande question à te poser. Est-ce qu'avec Captain Tsubasa, le PSG pourrait avoir la Ligue des Champions? Écoute, c'est une vraie question. En plus, alors, tu mets le doigt sur un truc qui paraît ironique comme ça, mais... C'est une vraie question qu'on se posait, de est-ce que on rajoute une étoile au-dessus du blason, ou est-ce qu'on se porte l'œil si on fait ça dans la BD, parce qu'évidemment c'est une réalité alternative, mais bon, de toute façon, le problème qui se posait très vite, c'est que Neymar et Mbappé étant Neymar et Mbappé, le temps de sortir le manga, il y a 90% de chances qu'un des deux soit plus au club. Et ça, c'était vrai il y a deux ans aussi, parce que c'était il y a deux ans que je portais ce projet. Et du coup, ça déjà, ça nous mettait un vrai coup de... Alors aujourd'hui, je me dis, putain, si on l'avait lancé à l'époque, qu'on l'avait sorti cette année, là, il serait sorti maintenant, tu vois. Au final, ce serait passé. Mais peut-être que ça aurait donné la force aux joueurs d'aller la chercher hier soir. Hein. Mais je crois pas, hein, vu le match qu'on a fait, je crois pas. J'ai pas vu, mais apparemment c'était catastrophique, surtout pour un battant qui voulait y aller pour se battre. Sans transition, du coup, hein, j'ai un Instagrammeur qui s'appelle I am Sebastian Spin, qui avait quelques questions à te poser. Alors, ouais. Déjà, il voulait te remercier pour l'énergie que tu mettais dans tes vidéos et YouTube et dans ta passion. Ouais, donc voilà, ça c'était quand même un message que je voulais absolument dire, pas juste les questions basiques, parce que. Ça fait en fait, c'est ça. Et alors, il a trois questions. Donc, comment vois-tu le marché du manga en France de nos jours? Ça, tu avais à peu près répondu en disant que c'était que pour toi, c'était l'âge d'or. Tu maintiens ce que tu nous avais dit en disant que c'est l'âge d'or du manga. Ouais, ça peut encore plus grandir. On est dans un âge d'or de l'offre, on est dans un âge d'or de la demande. Voilà, pour moi, il y a toutes les conditions de l'âge d'or qui sont réunies. Après, des gens pourront débattre avec l'âge d'or de Dragon Ball, de Senseiya, de tout ça, des années 90. Mais l'âge d'or économique, il est là aujourd'hui, et l'âge d'or de l'offre éditoriale aussi. Donc pour moi, tout prouve que c'est l'âge d'or du manga. D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant notre interview, j'ai ce cher Rémi de Bodeuil que je salue bien fort, qui me demande si c'est vrai tout ce qu'on dit sur le marché en ce moment, et je peux lui confirmer que c'est vrai, les GFK sont assez fous. Effectivement, plus d'une BD sur deux qui se vend en France en ce moment est un manga, quoi. Et c'est quand même très fort comme statistique, quoi. Alors, la deuxième question, c'est quelle vision as-tu de Mangetsu sur le long terme au regard des autres maisons d'édition beaucoup plus anciennes et qui perdurent ? Tome après tome, quoi, tu vois. La mentalité, c'est en mode football, là, presque. Voilà, on a pris les trois points, on va se concentrer sur le prochain match, quoi. Et vraiment, c'est comme ça que j'évolue. Voilà, la longévité, elle sera ce qu'elle sera. Quand j'ai commencé à e-comics, c'était pareil. On ne savait pas si ça vivrait un an, cinq ans, quinze ans. J'en sais toujours rien aujourd'hui. Enfin, je sais que ça vit au moins quatre ans, voilà, je sais assez bien comment les choses vont très vite dans l'édition pour ne pas tirer de plan sur la comète et... Après, évidemment, moi, tant que je suis heureux dans mon boulot, j'ai envie que ça dure. Hein. C'est aussi simple que ça. Même si c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui m'attirent à mort et qu'il y a des choses que j'ai très envie de faire dans ma vie, notamment au niveau du scénario où j'ai des opportunités parfois très cool, quoi. Mais pour l'instant, ça m'éclate. Et tant que ça m'éclate, let's go sur Mangetsu. Et j'espère que ça va éclater les gens le plus longtemps possible aussi, quoi. Et j'ai pas dans ma tête l'idée de quitter Mangetsu du tout, quoi. Je sais qu'un jour ça arrivera, mais c'est pas du tout un objectif à moyen ni à long terme, quoi. Et alors, sa dernière question, c'est Mangetsu proposera-t-il des sorties collector? Alors, en collector, tu nous avais dit qu'il y aura du format dur, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être peaufiner sa question, si tu me permets, en disant, est-ce qu'on va avoir du collector un peu comme on a pu voir avec le dernier tome de My Hero Academia ou d'Attaque des Titans, ce style de collector-là, à mon avis, vous voulez parler? C'était quoi le dernier tome de My Hero Academia? C'était les couvertures américaines, ça? Ouais, avec la couverture américaine, un calendrier, je sais plus quelle merde ils avaient rajouté en plus, mais il y avait au moins la couverture alternative américaine. De Ryan Stegman, ouais. Et pour info, c'est moi qui ai été démarché les auteurs pour cette opération de couverture américaine pour rendre service à mon grand copain Ahmed de Kiyun, qui est vraiment quelqu'un d'inestimable et c'est vraiment un saint sur cette terre. Et donc, comme j'allais à San Diego, j'en ai profité pour aller draguer les artistes qui lui réalisent des couvertures, et enfin, pas seulement, parce qu'il en a trouvé aussi par lui-même, et on en a certains en commun. Et, enfin bref, c'est une histoire assez cool. J'espère que tu n'entends pas l'aspirateur chez moi derrière, non ? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Okay, pardon. Et du coup, la question, c'était, excuse-moi, j'ai perdu. Est-ce que tu proposeras des sorties collector ? Ah oui, c'est ça, pour les collecteurs. Alors, ça dépend ce qu'on entend par collector. Il y a les bouquins comme les Junji Ito, c'est des éditions de luxe, donc elles ne sont pas collector parce qu'elles sont imprimées en grand nombre et pas numérotées, mais c'est du de luxe, clairement, quoi, on ne peut pas faire plus luxe. Après, collector en mode édition limitée d'un certain tome ou quoi, c'est prévu en année 2, pas en année 1, mais c'est prévu en année 2 de se payer une couverture variante d'un certain tome symbolique d'une de nos certaines séries. Voilà. C'est très vague. C'est très vague, mais en même temps, si vous connectez 2-3 infos avec tous les sujets qu'on vient d'aborder là, notamment de Ballon Rond, vous allez peut-être pouvoir un petit peu... Je m'en doutais un peu. Bon, ben, je crois que c'est bon. On a, sur une heure, on a vraiment tout abordé. Merci à toi, Sylvain, d'avoir pris ton temps. C'est de le prendre, hein, surtout. Non, mais c'était vraiment très sympathique. C'était un bon moment d'échange. J'ai beaucoup apprécié. Et ben, moi aussi. Je te remercie sincèrement. Et je vais vous souhaiter maintenant à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à très bientôt pour un nouveau débat comics. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Yeah.